les nuits de France Culture. De nouveau, bonsoir Jean-Claude Galota. Bonsoir Alban. Nous nous retrouvons pour la suite de votre nuit rêvée. Jean-Claude Galota, après 40 ans d'exercice, on a, je suppose, le recul suffisant pour avoir quelques idées sur ce que l'on fait et sur ce que l'on a fait. Comment définiriez-vous votre travail de chorégraphe, ce qu'est votre fonction dans la cité, dans la société ? Waouh ! Vaste programme. Alors, c'est vrai que moi, ce que je cherchais à faire, c'est d'avoir un outil passe-partout qui puisse faire des rencontres et puis aider les autres. Voilà, c'était ça mon but. Et là, justement, je crois que j'ai affiné cet outil. Et donc maintenant, très simplement, je peux montrer des gestes. Et je m'aperçois en fait que ça peut plaire, que ça peut intéresser. Donc je peux en faire des spectacles. Donc je me dis quel va être mon prochain spectacle. Je vais utiliser cet outil. Et puis je vais me dire aussi comment je vais rencontrer les autres. Aujourd'hui où c'est encore plus difficile dans la société, il y a beaucoup plus de tristesse. Les gens sont un peu perdus des repères. Et donc je fais des ateliers, que ce soit dans les hôpitaux, dans les prisons, simplement avec des amateurs. Et donc je développe ça beaucoup. Je donne de mon temps, les danseurs aussi, on fait beaucoup d'ateliers. Soit ça devient des spectacles amateurs, très forts, comme ça, très intéressants. Soit c'est simplement un partage. Les gens redécouvrent leur corps, inventent des choses, finalement s'aperçoivent qu'ils sont créateurs, sans le savoir. Et donc on les approche comme ça. Donc là, je suis assez heureux de ça. Je me dis, tiens, finalement, j'ai réussi mon boulot. Je pense à mes parents qui voulaient que je fasse médecin, avocat. Comme tous les enfants d'immigrés, il fallait qu'on réussisse dans la vie. Et là, je me dis finalement, je fais ça. Je suis comme un médecin et j'apporte des choses. Alors déjà des étoiles dans les yeux, parce que des fois, il y a des spectacles qui marchent bien, ils sont heureux, les gens sortent heureux. Et puis en même temps, des ateliers qui permettent aux gens de se redécouvrir. Ça va ? Ouais, c'est bien, faire monter un peu l'énergie là. Avant de commencer la répète, là c'est bien d'atteindre un certain niveau de. Ouais, faire monter un petit peu le flux, faire monter la machine, la mettre en route vraiment et d'aller à un certain degré de. Faut la pousser un peu, comme ça après tout le reste paraît beaucoup plus facile. Parce que si il faut escalader la montagne pendant, c'est plus difficile. Donc moi, j'aime bien travailler sur la physicalité, moi. Bien pousser la machine avant pour pouvoir après, justement, plus avoir ce souci de l'endurance. Il y a peu de tableaux où vous n'êtes pas. Ouais, je pratique pendant tous les tableaux. Ouais. Sauf dans les solos défis. Hein. Mmh. Et ouais, sinon, je suis tout le temps là, quoi. Autour d'elle et elle autour de moi. Voilà, ça je pense que c'est bête. Du coup, il y a le temps du regard ensemble. L'un à trois, quoi. Et on dit à chaque fois qu'il y a le petit saut. Moi, je trouve que c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Okay. Je suis désolée, mais est-ce qu'on peut juste refaire une fois ce bout de mot ? Nous venons d'entendre une séance de répétition pour votre chorégraphie L'étranger avec les danseurs Béatrice Varan, Jimena Figueroa et Thierry Verger et avec Mathilde Altaraz, extraite d'un reportage de Martine Abba à Maison Alfort en 2016 pour L'humeur vagabonde de Kathleen Evin sur France Inter. Votre métier, tel que vous le pratiquez, c'est quand même fondamentalement un travail de groupe, une histoire collective. Oui, même si ça commence tout seul dans le studio, hein, c'est la petite graine, la petite note. Et puis petit à petit, après c'est Mathilde qui vient, qui regarde ce que j'ai fait. Et puis les danseurs, et voilà, et ça se construit comme ça, comme une plante qui pousse. Et c'est vrai que j'ai découvert les autres grâce à la danse. Quand je dessinais, j'étais seul. Et quand j'ai découvert la danse, je me suis dit, ah, mais voilà ce que je veux faire parce que je suis pas tout seul. Et c'était vraiment ça, pouvoir partager un art avec les autres, c'est extraordinaire. Parce qu'on a cet apport, cette chaleur, ce vivant, et on les voit naître, vivre à travers une œuvre. Quelle est l'importance du rôle de Mathilde Altaraz à vos côtés? Alors au départ, elle était danseuse. C'était une merveilleuse danseuse. Alors je signale aussi qu'elle était médecin. Pourquoi je dis ça? Parce que je dis qu'à une époque, on pouvait pas vivre de la danse. Et donc elle, pour survivre, elle savait très bien qu'il fallait faire un autre métier. Et donc elle a fait en parallèle, ce qui est pas évident, de faire médecine et danse. Donc je le dis pour tous les futurs étudiants qu'on peut faire les deux. Et du coup, elle a gardé ce rapport à l'autre pour aider. Alors au départ, elle n'était que danseuse. Et c'est moi qui faisais les cours, qui faisais mon propre assistant. Et puis, quand elle a arrêté de danser, elle est devenue vraiment mon assistante importante. C'est elle qui fait travailler les danseurs. C'est elle qui les mène vraiment. Et comme elle a été médecin, justement, elle les guide au-delà de la danse. Pour leur corps, comment bien s'en servir quand ils sont blessés, quand il faut pas se blesser, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien manger, voilà, bien être dans son corps, parce que pendant longtemps, moi j'étais avec des danseurs qui savaient pas trop bien. Et le danseur, c'est vrai, il est entre le sportif et le comédien. Donc des fois, ils ont des façons d'être comme les comédiens. Ils fument, ils boivent, ils mangent. Et ils se rendent pas compte des fois qu'ils sont aussi des sportifs. Donc il faut quand même qu'ils fassent attention aussi pour que leur corps soit toujours performant. Donc il y a quand même une hygiène de vie. Alors sans se priver, hein, bien sûr, c'est ça qu'on essaye de trouver, qu'on ait quand même du plaisir, de la joie, parce qu'on est encore des gens de scène, donc il faut qu'on garde aussi cette façon d'être, mais de faire attention un peu aussi à pour pas se blesser, en fait, tout simplement. Chez vous, la notion de troupe est très importante. Vous aimez les danseurs qui expriment leur personnalité, vous aimez laisser vivre les différences dans l'unité. Oui, exactement. Je crois que j'ai apporté ça. C'était, je disais, il faut avoir une énergie commune, mais s'il y en a un qui lève la jambe un peu plus haut, c'est pas très important. Ce qu'il faut, c'est qu'on sente une force. Voilà, parce que j'aime bien les danses de groupe. Hein. Je trouve que c'est comme dans les comédies musicales. Je pense que ça donne de l'énergie, ça montre, ça fait pétiller comme ça. C'est important. Et en même temps, qu'on découvre les singularités. Danseur. Voilà, exactement. C'est pour moi c'est le plus important. Donc j'ai toujours essayé de faire ça. Alors bien sûr, au départ, j'ai vraiment poussé le bouchon puisque j'ai pris vraiment des gens très différents. Même on m'en a voulu. Hein, maintenant, c'est devenu même très beau de le faire. Mais à une époque, c'était interdit puisque la danse c'est toujours la jeunesse, la beauté. Alors justement, et par rapport à ça, je dis que tout le monde est différent. Donc même si on me donne des gens en semblant identique, j'en ferai quelque chose de différent. J'arriverai, parce que j'ai travaillé à l'Opéra de Paris et j'ai vécu ça. Donc j'ai essayé de donner aussi, en disant le regard est différent, parce que on vous met dans des cases, mais en fait chaque danseur est différent. Donc moi j'ai apporté ce rapport à la personnalité, sans en faire trop, simplement être avec l'autre, mais avoir sa différence. Et qu'est-ce qui produit l'unité? L'unité, en fait, c'est, vous voulez dire dans la danse ou en général? Dans la danse, enfin, sur scène, plutôt, cette impression d'unité. Ah oui, dans mes chorégraphies. Oui. Ah oui, alors c'est l'énergie commune. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver le cœur de la danse. C'est-à-dire comment on fait, c'est-à-dire qu'on, si on faisait un arrêt sur image, on verrait plein de différences. Parce que il y aurait un bras à telle hauteur, la jambe à telle hauteur, mais en fait l'énergie commune, ça arrive à un certain moment. Comment dire, c'est on le cherche, on le répète, et tout à coup, ça y est, on a le point culminant, et c'est ça qu'il faut garder. Donc on le signale aux danseurs, ils se repèrent. Et ils essayent de reproduire cet effet d'unité, et ils le sentent eux-mêmes quand ils sont ensemble. Alors qu'on garde quand même les différences. Voilà, c'est ça ça c'est un secret qui est comme dans la cuisine, je sais pas, mais c'est un truc bizarre quoi. Il faut, tant qu'on l'a pas atteint, on sait que c'est pas là. Parce que quelqu'un pourrait dire, mais pourquoi c'est un peu différent par rapport à tout à l'heure? Ben je dis, mais regarde, et on sent l'unité, on le sent. Qu'est-ce qui joue quand vous travaillez une chorégraphie? Qu'est-ce qui l'influence? La saison, la lumière, l'atmosphère ambiante, les lieux? Bah tout, un peu tout ça, ça dépend un peu de... Alors, soit il y a un projet très précis, du coup, peu importe la lumière, peu importe le lieu, on va trouver le mouvement. Parfois, quand on est contemplatif, qu'on n'a pas vraiment d'idée, qu'on a envie de laisser venir le hasard, c'est vrai que tout à coup, un lieu peut inspirer une lumière, parce que tout à coup, c'est très éclairé, ou un sol qui est très accueillant. Donc, je vais commencer par faire une danse du sol, et puis elle va rester dans la chorégraphie. Et, ou alors, on va entendre des bruits de rue ou des bruits de bombardement. Et là, tout à coup, on est allé en Palestine, on est allé aussi jouer là-bas. Et là, il y avait une tension. Du coup, j'ai fait un Sacre du Printemps un peu différent parce qu'il y avait cette tension. Donc, je pense qu'il y a des choses, on a des idées et puis après, on a des influences. Et donc, ça va apporter à la chorégraphie, ça va ouvrir, partager une nuit parfois, et donc du coup ça va être une danse de la nuit, ça va être beaucoup plus sombre. J'ai fait un spectacle où c'était quatre duos, ça s'appelait Docteur Labus, et c'était vraiment comme quatre tempéraments, et c'est vrai que là les lieux ont beaucoup influencé sur la chorégraphie. Comment le groupe Émile Dubois fait-il vivre son répertoire? Alors au début, assez tôt, je disais, les chorégraphes, c'est comme des écrivains ou des dramaturges qui écrivent des pièces de théâtre, voilà. Et donc, je trouvais dommage une fois que c'était créé, de jeter à la poubelle et qu'il fallait au contraire les reprendre. Et c'est étonnant parce que on me reprochait ça au début dans la danse contemporaine, comme si c'était classique. C'est quelque chose qui ne se faisait pas. Qui ne se faisait pas. Mmh. Ouais, il fallait créer et puis jeter. Et moi, je trouvais ça dommage parce qu'il y avait des belles écritures, pas seulement les miennes, mais je voyais d'autres chorégraphes. Je me disais, c'est dommage de perdre ça. Et avec le temps, avec la mort de certains, les gens se sont rendus compte qu'en fait, c'était important de reprendre les chorégraphies. Donc moi, mon souhait, ce serait que chaque année, je peux pas le faire, hein, je le dis tout de suite, mais ça serait le souhait, et j'espère que les prochains chorégraphes pourront le faire, les prochains lieux, c'est de faire une création dans l'année et une reprise. Voilà. Et j'aurais aimé reprendre toutes mes pièces comme ça, petit à petit. Ça a pas pu se faire, mais il y a toujours cette idée. Donc quand je peux, en fait, je reprends une pièce, et c'est soit l'humeur du temps, soit parce qu'on me le demande. Là, c'était les 10 ans de la mort de Bachung. Du coup, le Printemps de Bourges rendait hommage. On a repris L'homme à tête de chou, mais je l'aurais peut-être pas reprise, cette pièce. Donc voilà. Là, je vais reprendre Ulysse parce que... Ulysse, c'est une pièce que vous avez reprise de nombreuses fois. Celle-ci, oui, parce qu'en fait, comme elle a été un peu désignée comme déclencheuse comme ça de cette nouvelle danse française, du coup, on me l'a demandé souvent pour dire, pour temporiser, pour dire est-ce qu'elle tient toujours, qu'est-ce que c'est que cette pièce historique. Et là, justement, comme beaucoup d'années sont passées et qu'on me la demande, donc je vais la reprendre. Mais j'aurais aimé peut-être reprendre une autre aussi. Il y en a plein, hein, Docteur Labus, Trois Générations, j'aimerais bien reprendre, Daphnis et Chloé, bien sûr, Pandora, je n'ai pas repris, voilà. Il y en aurait tellement, mais voilà. Et puis, encore une fois, les reprises sont l'occasion de révéler la singularité d'un interprète. Exactement. Là, quand on a repris Daphnis et Chloé, c'était exactement le cas, parce que ça... En plus, c'est bien pour moi, pour Mathilde, et c'est bien pour les danseurs, parce que tout à coup, ils sentent... Par exemple, pour L'homme à tête de chou, plein de danseurs l'avaient vu il y a 10 ans, et ils rêvaient de la danser, et puis ceux qui la dansent, c'est extraordinaire pour eux. Voilà. Donc, il y a vraiment cet échange. C'est donc avec une archive en rapport direct avec cette reprise, cette année, de L'homme à tête de chou, 10 ans après sa création, que s'ouvrira cette deuxième partie. Nous entendrons Serge Gainsbourg dans une émission revenant sur sa production du début des années 70. Une émission dans laquelle il était largement question de cet album important de sa discographie, L'homme à la tête de chou. Mais avant de revenir à Serge Gainsbourg, comment était né chez vous, il y a 10 ans, le désir de faire quelque chose avec L'homme à la tête de chou? Alors, c'est venu de 2004, où c'était l'ouverture de la nouvelle Maison de la Culture de Grenoble, et Bachung était invité pour faire un concert, et moi, je préparais un spectacle. Et en fait, Bachung avait demandé à la direction de l'époque, Michel Aurier, si je pouvais faire les chorégraphies de ce concert. Or, j'étais très... très heureux, mais je pouvais pas parce que je faisais une création. Et Bachung m'avait juste dit, ben, on se retrouvera. Voilà, il m'avait simplement dit ça. Et puis un jour, un producteur est venu avec, c'est Jean-Marc Ganassia, il est venu avec le projet L'homme à tête de chou. Il m'a dit, voilà, j'ai les droits musicaux. Est-ce que tu voudrais faire, alors moi, j'étais très heureux parce que Gainsbourg, j'adorais. M'aurait proposé autre chose, j'aurais peut-être pas choisi, mais là, tout à coup, je me suis dit, ah oui, pourquoi pas. Et en plus, il me dit, il faudra trouver un chanteur qui puisse le rechanter. Ben, j'ai dit, il n'y en a qu'un pour moi, c'est Bachung. Et voilà, et la rencontre s'est faite, et ça a été extraordinaire, extraordinaire. J'ai rencontré un être merveilleux, vraiment super. On avait les mêmes choses, on parlait des films, de la littérature, très gentil, très doux, et puis talentueux. Et donc on s'est mis à travailler avec Denis Clavezol et on a imaginé cette reprise. Et on faisait ça dans un hôtel, je me rappelle. Il me disait, est-ce que ça va, ce rythme-là? Je dis, oui, combien de temps? Ben, je dis, 5 minutes. Hop, allez, on partait comme ça. C'était assez fou. Et puis, bien sûr, il est tombé malade. Et là, moi, je voulais tout abandonner. Et du coup, il me dit, non, continue. J'ai enregistré ma voix, ça va. Il faut le faire. Ça sera mon testament et je viendrai voir le spectacle. Et donc... voilà, ça s'est fait comme ça. En quoi le spectacle de 2019 est-il différent de celui de 2009 ? Alors, au départ, je voulais vraiment respecter ce qu'on avait fait, à la fois pour Bachung, pour cette histoire. Donc la bande-son, on ne l'a pas touchée du tout. Et puis forcément, les danseurs ayant changé, j'ai retouché. Mais là, ça serait trop compliqué d'expliquer les petits détails, mais on a essayé de reprendre au maximum la chorégraphie. Ça peut être dangereux parce qu'on peut devenir maniériste, parce qu'on connaît trop bien ce qu'on a fait. Mais parfois, ça peut être beaucoup plus fort parce que justement, on a de la distance, on voit les défauts qu'on avait laissés peut-être à l'époque. Et donc, on resserre les choses. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense que l'homme à tête de chou est mieux aujourd'hui parce que à l'époque j'étais trop troublé par la mort de Bachung. Donc c'était bien, mais il y avait beaucoup de scories parce que de la douleur, quoi. Il y avait quelque chose de plus sombre, peut-être. Oui, et puis de pas fini parce que moi-même j'étais défait, quoi. Je le faisais vraiment parce qu'il me l'avait demandé. J'avais plus envie. J'étais vraiment désolé. Et donc là, la reprise, elle était plus joyeuse, elle était plus incisive. Je voyais mieux ce que je faisais. Avec Mathilde, on a vraiment aidé les danseurs. On avait une partition, voilà, c'était plus facile. Serge Gainsbourg, pour en revenir à l'archive que nous écouterons, faisait quelques vagues à son époque. On peut imaginer qu'aujourd'hui, il rencontrerait quelques problèmes avec Melody Nelson et l'homme à la tête de chou. Oui, c'est vrai. C'est gonflé, mais c'est aussi poétique. J'allais dire, c'est presque proustien, parce que il met des choses crues, mais il trouve tellement des mots qui résonnent, qui rebondissent, que c'est vraiment de la poésie. Donc, je pense que c'est un peu inattaquable, hein. Je m'avance peut-être, mais il y a quelque chose d'une époque, mais aussi vraiment, vraiment son style est toujours là. Alors, je peux comprendre aujourd'hui avec ce qui se passe, et je fuis pas le débat là-dessus, mais est-ce qu'il faut brûler ce qui a été fait? Je sais pas. Mais c'est vrai que aujourd'hui on pourrait pas le faire. Mais voilà. Faites-vous aujourd'hui plus attention qu'hier à ce que vous proposez au public, Jean-Claude Galota? Non, je suis inconscient en fait. Non, c'est vrai. Là, j'ai repris l'homme à tête de chou, mais sans me penser qu'on était en pleine période MeToo. Est-ce que je l'aurais fait, je l'aurais pas fait? Mais en tout cas, voilà, c'était comme ça. Et aujourd'hui, j'accepte tout le débat là-dessus, quoi. Donc non, je fais pas attention à ça. Autre objet de scandale dans votre nuit, un scandale qui aujourd'hui semble bien loin et peu compréhensible, Françoise Sagan, que nous entendrons en 1976 au micro d'André Halimi. Là encore, une archive qui renvoie à l'une de vos chorégraphies, comme un trio, c'était en 2017. Pourquoi Sagan? Pourquoi Bonjour Tristesse? Pourquoi un trio? J'aime trois bien... questions. Trois questions. Alors, je vais essayer de bien répondre. Alors, en dehors des pièces de groupe, j'aime bien aussi faire des intimes comme ça. Je disais, en fait, il faut être fellinien et bergmanien. Voilà. Alors, côté Fellini, c'est toute la troupe avec les différences, et Bergman c'est les trios. D'ailleurs j'ai commencé par un trio quand j'ai fait un premier concours, c'était un trio, donc il y a quelque chose d'intime. Donc j'ai fait Daphnis et Chloé, j'ai fait Pandora, et là j'ai fait L'étranger, et là j'avais envie de refaire un trio, et j'avais comme livre de chevet Bonjour Tristesse. Non pas tellement, même si j'aime l'écriture de François Sagan, mais c'était surtout parce que c'était une écriture chorégraphique pour moi. Il y avait L'étranger et Bonjour Tristesse et Le vieil homme et la mère. Voilà, c'était les trois que je voulais monter, parce que je les sentais chorégraphiquement. Et donc, j'ai commencé par L'étranger et je voulais faire Bonjour Tristesse. Et c'est vrai que Sagan n'est pas du tout à la mode, même je me rendais compte qu'elle était un peu blacklistée, qu'elle était mise de côté, je ne sais pas pourquoi, alors qu'elle est extraordinaire dans sa vie, dans sa manière d'être, dans son écriture. C'est une Gainsbourg au féminin. Et donc, encore une fois, on l'accepte, cette façon d'être de chez Gainsbourg, mais on ne l'accepte pas chez une femme, chez Sagan. Donc, ça m'a encore... plus que de la défendre en disant, ben non, je vais faire quelque chose. Et c'est vrai que les portes se ferment assez vite quand on dit Sagan, ah non, ça ne m'intéresse pas. C'est difficile, hein. Donc je me bagarre et je veux défendre ce trio parce que pour moi, ça a donné une chose extraordinaire avec les danseurs. Donc le trio, parce que c'est l'intime, Sagan, parce que c'était Bonjour Tristesse, je ne me rappelle plus la troisième chose que je devais répondre, c'était... Pourquoi Sagan? Pourquoi Bonjour Tristesse? Ah oui, voilà, c'est un peu deux en même temps. C'est un peu en même temps, oui. Non, alors c'était d'abord Bonjour Tristesse et c'est devenu Sagan. Voilà. Et oui, et justement, j'ai commencé par Bonjour Tristesse et je me suis rendu compte, en fait, je m'échappais et que j'ai fait quelque chose autour de Françoise Sagan. J'ai abandonné un peu l'idée du livre. Alors, les danseurs sont restés un peu les personnages, mais moi, j'ai fait toute la bande-son, presque radiophonique, où j'ai pris des extraits où on l'entend. Voilà. C'était vraiment... autour de Sagan. Comment une chorégraphie peut-elle naître d'un roman? Comment la danse vous arrive-t-elle par la littérature? Alors, de la même manière que j'expliquais que je voulais avoir un outil qui était la danse, je me suis dit, je peux m'attaquer à la littérature. Voilà. Et donc, c'est vrai que j'oriente quand même une littérature qui me semble, avec mes lunettes de chorégraphe, correspondre. C'est-à-dire que je lis dans les mots quelque chose où je sens que j'ai une place. Il y a des écrivains qui sont merveilleux, mais je sens que j'ai pas de place, en fait. Il y a pas, tout est déjà écrit, tout est déjà décrit. Et du coup, il faut peut-être une, comme on dit, une écriture blanche, une écriture sèche, une écriture incisive, qui raconte pas tout, qui soit simplement des pépites comme ça à lancer. Et donc, je me dis, tiens, là, je peux faire quelque chose. Donc, voilà. Mais, je pourrais prendre le pari de prendre n'importe quel roman, c'est-à-dire comment... Vous savez, c'est comme les couleurs, c'est comme la musique, on a un déclencheur, puis on se dit, tiens, ça me fait faire un mouvement. Et vous savez, dès que j'ai un mouvement, je sais que je peux avoir un deuxième. Vous semblez attacher beaucoup d'importance au titre de vos spectacles. Y a-t-il un lien un peu mystérieux qui se tisse entre une chorégraphie et les mots de son titre? Est-ce qu'il y a une magie des mots qui s'exerce sur la danse? Alors ça dépend, puisque Ulysse est venu après... Donc c'est un peu comme du Magritte, c'est-à-dire que finalement le mot donne un déclencheur autrement. Et parfois, là par exemple, je suis parti d'un titre qui est le jour se rêve. Et donc du pour coup, votre, un prochain spectacle. Le prochain spectacle. Et là, eh ben j'ai tout à construire. C'est-à-dire que je sais pas ce que c'est que ce jour se rêve. Donc je vais travailler. Je sais que ça va être en trois parties, trois moments. Et donc, voilà, le titre, là, était déclencheur. Comme un trio, qui n'est pas un titre très sexy, mais c'était pour être le plus clinique possible, parce que je ne voulais pas mettre Bonjour Tristesse quand je m'en étais éloigné, je ne voulais pas mettre Sagan. Donc j'ai dit, ça sera comme un trio. Et puis voilà, c'est resté. Donc voilà, les titres sont un peu mystérieux aussi dans leur nature. Parmi tous les titres de vos spectacles, il y en a un particulièrement beau, « Racheter la mort des gestes », vous l'évoquiez tout à l'heure, un titre que vous avez en quelque sorte légué Hervé Guibert, qui en 1984, après être venu vous voir travailler, vous avez consacré un article dans Le Monde. Il y écrivait « Qui est le chorégraphe, sinon ce grand fada sacré que la société semble payer pour le rachat de la mort des gestes ?» Quel souvenir gardez-vous de votre rencontre avec Hervé Guibert ? Extraordinaire. Et puis il a fait un texte, là, je trouve, mais c'est un des plus beaux textes sur la danse, hein, alors qu'il connaissait rien. En fait, il avait été invité par Colette Godard, qui était journaliste au Monde, à venir voir Daphnis et Chloé, que je dansais aussi avec Mathilde et Pascal Grava. Et ce jour-là, Mathilde se tord la cheville, donc on annule la représentation. Et lui, il était dans la salle. Il m'a dit, mais je suis mortifié. Il m'a dit ce mot, je me rappelle toujours. Et du coup, on s'est rencontrés, il m'a dit « mais comment ça se fait ?» Je lui explique un peu tout ça. Et puis il me dit « mais je viendrai vous voir à Grenoble pour une autre chorégraphie. » Et donc, il est venu, on s'est baladé dans Grenoble, je lui ai fait découvrir la ville, on a échangé. Donc il était très, très beau, très intérieur comme ça. En même temps, comme un chat, il regardait tout. Et il est venu voir une répétition. Et là... est sorti ce texte miraculeux avec un titre extraordinaire que je lui ai emprunté pour racheter la mort des gestes, où justement j'ai essayé de mettre en application tout ce qu'il racontait en fait sur la différence, sur qu'est-ce que c'est que la danse quand elle éclate finalement à travers tous les corps. Racheter la mort des gestes, dont vous l'aviez un peu dit tout à l'heure, mais quand même, comment comprendre, comment entendre cette formule qui en trois mots semble tout dire du passé, du présent et de l'avenir ? Oui, alors, dans « Racheter la mort des gestes », justement, je mettais tout ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que il y avait des gens, des personnes âgées qui tout à coup parlaient de leur douleur au genou. Il y avait tout à coup une famille qui se mettait à chantonner. Il y avait des danseurs qui faisaient des danses très cunningamiennes. Il y avait une salsa tout à coup. Il y avait des textes. Il y avait des bouts de phrases. Il y avait des extraits radiophoniques. Il y avait mille musiques très différentes de l'Afrique à des choses contemporaines. On entendait un discours politique. Voilà, c'était une sorte de journal, de carnet de bord où tout ce qui pouvait engager le corps, qu'il soit poétique, politique, était là. On était comme dans un studio. Moi, j'avais filmé les baies vitrées de mon studio, comme si les gens partageaient ma tête, ma pensée, étaient dans le studio avec nous. Et donc, on pouvait tout se permettre. C'était vraiment comme un carnet de voyage extraordinaire. Et les gens passaient d'une chose à l'autre. Et je trouvais ça très fort que la danse puisse permettre ça. Et ça, pour moi, était tout dit dans ce texte qui ouvrait d'ailleurs le spectacle avec deux femmes qui faisaient un très beau duo. Et on entendait, moi je le lisais en fait, ce texte de merveilleux d'Hervé Guibert. Mais au fond, qu'est-ce qu'un geste, Jean-Claude Galota ? Alors un geste, c'est une pulsion pour dire ce qu'on n'arrive pas à dire. Souvent, j'écoute les débats, je dis « ouais, mais celui-là, il a raison, celle-là, elle a raison ». Je me dis « mais c'est compliqué, la vie, on n'arrive jamais à savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire ». Et là, boum, je fais un geste. En fait, le geste, c'est le parfum de ce qu'on n'arrive pas à dire. On est tendu parce qu'on a plein d'impressions, et donc c'est une libération. Alors, on peut le faire avec le cri, je pense que... Le premier homme ou la première femme, alors peut-être le premier homme il a crié, la première femme elle a dansé, je sais pas. Voilà, donc il y a eu une pulsion, et je pense que cette pulsion a donné le chant et a donné le geste qui va donner la danse. Je pense qu'on a envie de s'exprimer parce que on a l'intuition, mais on sait pas trop. C'est difficile d'être juste tout le temps, et le geste permet d'être libérateur. Voilà, c'est une libération. Nous entendrons donc tout à l'heure Hervé Guibert, c'était en 1981, à propos de la parution de L'Image fantôme, un livre de photographie sans photographie, un livre composé de récits autour ou à partir de photographies de famille, d'amis, d'amour, photomaton, photos ratées. Guibert écrivain, Guibert photographe, de quelle importance, de quel recours est la photographie dans votre travail ? Alors. Peut-être d'ailleurs saluer Guy Delahaye à cette occasion. Oui, voilà, exactement. Guy Delahaye qui a fait toutes les photos autour du groupe Émile Dubois. Alors, La photo, c'est quelque chose que j'aime. Comme je disais pour la musique, je regarde, j'ai beaucoup de livres de photos. Ça m'inspirait, mais surtout pour chercher, par exemple, sur des costumes ou sur l'univers de la danse. C'est-à-dire qu'une fois que la danse était créée, on regardait avec le scénographe ou le costumier ou la costumière de dire, ben voilà, ça serait plutôt... Et là, les photos nous servent beaucoup. Les photos, c'est un peu notre scénographie. On se sert des photos comme ça. Ensuite, sur la danse, c'est toujours étonnant parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la traduction, trahison, parce que moi, des fois, je vois des photos, je dis, mais il n'y a pas ça dans mon spectacle. Parce que c'est arrêté un instantané qui semble joyeux, alors que ce n'est pas du tout joyeux. Mais à ce moment-là, le danseur fait une grimace qui ressemblerait à un sourire, ou l'inverse. Tout à coup, c'est un truc plutôt léger, et là, ça devient grave, parce que là... Et je dis, c'est extraordinaire, c'est une deuxième chorégraphie. En fait, les expositions de Delahaye, quand je les regarde, c'est un deuxième temps chorégraphique, qui n'a rien à voir avec la chorégraphie. Mais j'aime aussi ça. Ne te retourne pas. Tout cela, ils avaient l'impression de l'avoir déjà vécu. Et leurs paroles semblaient s'immobiliser dans les traces d'autres paroles d'autrefois. Ils ne faisaient pas attention à ce qu'ils faisaient, mais bien à la différence qu'ils voulaient que leurs actes de maintenant fussent du présent et que des actes analogues eussent été du passé. Ils se sentaient grands, immobiles, avec au-dessus d'eux le passé et le présent, comme les vagues identiques d'un même océan. Alors, arrivederci, tous mes amis. Adieu, Jules, Ivan, Cécile. Laurent. Marcel, madame. Vous avez changé de nom, vous aussi? Non, signora Contessa. Laurent, Marcel, Paul, Ravel. Il n'y aura pas de Paul. Vous pouvez garder une de Mercedes. Maître Dorfman arrangera ça. Alors, arrivederci, tous mes amis. Arrivederla, signora Contessa. Nous venons d'entendre un extrait de la bande-son du film de Jean-Luc Godard, Nouvelle Vague. Jean-Claude Galota, Jean-Luc Godard est-il de ceux qui rachètent la mort des gestes? Peut-être. Oui, en fait, alors, c'était une drôle de rencontre avec Godard. Il était venu au Théâtre de la Ville, on présentait Docteur Labuce. Et c'est bien parce que c'était pas la première, donc il était tout seul avec Jean, avec Fargier, il était avec Fargier, le vidéaste. Et donc ils étaient dans le couloir et je me rappelle de ses mains et il m'a dit juste ce mot, il m'a dit ah, il y a de l'art là-dedans. Donc j'ai dit bon, ça va, ouf. Donc après je l'ai rencontré, je suis allé à Rolle là-bas et puis on avait un projet ensemble. Et qui ne s'est jamais fait. Et je pense qu'il a une manière de travailler que j'aime beaucoup, qui m'aide aussi. Ce que je disais sur racheter la mort des gestes, c'est un peu cette construction, de sorte de collage. On passe d'une pensée à l'autre. Pour moi, c'est très déclencheur. Des fragments. Et je pense qu'on est comme ça, on vit comme ça. Et souvent, on se limite parce qu'on s'oblige, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, alors qu'on est fragmenté sans arrêt. Et justement, ça crée une construction qui est à la fois sentimentale, belle, intelligente. On a le cœur, la hanche, la tête, tout bouge, quoi. Et donc, je pense que c'est un chorégraphe du cinéma. Le cinéma compte beaucoup pour vous. Vous avez d'ailleurs vous-même réalisé plusieurs courts-métrages et deux longs-métrages, Raidom et L'amour en deux. Mais vous dites que le cinéma était déjà dans votre danse, que votre danse joue le cinéma. Oui, parce que quand je dansais pas encore, l'art pour moi, très fort, c'était le cinéma, puisqu'il justement, il rassemblait ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois le populaire et la pensée et l'intelligence et l'intellectualité. Il y avait tout dans le cinéma. Et le montage, il y avait la musique, il y avait les sons. On avait vraiment tout l'univers rassemblé dans un art. Et je me suis servi du cinéma, par exemple, pour créer du montage. Je disais, tiens, comment je ferais si j'étais cinéaste ? Ou par exemple, quelque chose qui était en plan, je le mettais au sol, comme si la caméra était au-dessus. Donc, ça me permettait, en pensant cinéma, de changer la chorégraphie, d'angle, de situation, puisqu'on est toujours au même endroit. Comment on peut faire pour donner l'idée qu'on se rapproche, qu'on s'éloigne, qu'on est décalé ? Voilà, toute cette idée, comme si l'intérieur même du cinéma était un atome dont je me servais pour faire de la chorégraphie. Donc, c'est au-delà même des images, hein, c'est vraiment la pensée cinématographique qui m'aide à faire de la chorégraphie. Et en plus, j'aime le cinéma, j'aime voir les films, j'aime les cinéastes, j'en ai rencontré. Donc, pour moi, c'est un univers, c'est ma deuxième famille, voilà. C'est avec le théâtre, avec Patrice Chéreau, qui a fait aussi quelques tours du côté du cinéma. C'est donc avec Patrice Chéreau que se terminera le programme de votre nuit rêvée. De Patrice Chéreau, peut-on dire qu'il était un metteur en scène chorégraphe au théâtre, mais au cinéma également? Oui, il aimait le mouvement. Lui aussi, je l'ai rencontré. Je devais faire d'ailleurs une chorégraphie pour lui. Il m'avait invité à Nanterre quand il était là et on parlait beaucoup. Lui, il construisait comme un... Il regrettait en fait de pas... D'ailleurs, il s'est mis à danser... Il y a ses collaborations avec Thierry Tionnian. Voilà, exactement. Ouais. Et exactement. Puis son travail avec pour l'opéra. Quoi. Voilà, je pense que à une autre époque, dans une autre vie, peut-être qu'il est réincarné quelque part. Je pense que c'est un chorégraphe. Lui disait « j'aime le mouvement ». Et je pense qu'il construisait son théâtre rythmiquement, comme un chorégraphe peut le faire. Donc je pense qu'il était vraiment très très intéressé par la danse et le théâtre aussi, puisqu'il était un grand homme de théâtre avec une décision. Quand il me parlait des choses, il était très très intégré comme ça à ce qu'il allait dire. Il faisait pas de concessions. Il répétait tout le temps. Il était à fond, quoi. C'était un magicien incroyable. On a partagé à un moment donné des répétitions et je le voyais faire. Il était habité comme un fou furieux. Nous entendrons Patrice Chéreau en 1966, un tout jeune homme de 21-22 ans. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne manquait déjà pas d'assurance. En l'écoutant, on a l'impression que la route est devant lui, clairement tracée, qu'il sait déjà parfaitement où il va. Oui, exactement. Alors c'est drôle parce qu'en même temps, c'est le moment où il a beaucoup d'échecs, mais il a pas peur. Il dit c'est comme ça. Et puis il est très critique, aussi bien sur son œuvre que sur celle des autres. Hein, oui, voilà. Ouais. Il est très très déterminé comme ça. Non, c'est incroyable. On voit déjà tout ce qui va être. Et puis touche à tout aussi la musique. Il était très fort sur la littérature. Tous ces échanges. Il écoutait tout, aussi bien des choses populaires que des choses très très très très modernes, très d'avant-garde. Et puis il aimait bien aussi la lumière, mais le sombre aussi. Il me parlait de choses de nuit étranges comme ça. Vraiment, il était pluri-homme, voilà. Quel était le projet pour lequel il avait fait appel à vous ? Je devais faire un Coltès. Combat de nagre et de voilà, chien. Voilà. Et donc, du coup, ça m'a permis de rencontrer Piccoli aussi, et avec qui on devait faire quelque chose. Donc, c'est une épopée, finalement, de cette époque de Nanterre. Et finalement, une fois, j'ai dansé pour lui. On était sous un chapiteau. On devait partager. Et je me suis mis à faire des gestes. Il me regardait comme ça, peut-être avec envie. Il aurait aimé les faire. Voilà. Dans un entretien qu'il accordait aux Inrecuptibles en 2013, Chéreau, lui-même enfant d'artiste, disait se méfier du mot artiste comme de la peste. Il considérait ce qu'il faisait comme de l'artisanat, comme un métier. Il refusait de se voir comme un artiste. Avez-vous la même défiance envers le mot artiste, Jean-Claude Galota ? Oui, alors ça aussi on en avait parlé. Je pense que ça dépend les moments. Quand les gens... en font trop sur le mot artiste, on redevient modeste, on dit non, on est des artisans, et on le dit tous à un moment donné. Et puis des fois, quand on nous emmerde, on dit, mais attendez, nous on est les artistes, voilà. Donc je pense, ça dépend à quel moment on nous attrape pour une interview, on peut jouer des deux, voilà. Merci Jean-Claude Galota. Nous nous retrouverons dans un peu moins de 2 heures, juste avant la fin de votre nuit rêvée, après avoir écouté Serge Gainsbourg, quatrième partie, le début des années 70, par Jean-Luc Leray et Patrick Chompré en 1990. Le deuxième de la série des 5 entretiens avec Françoise Sagan au micro d'André Halimi en 1973. Hervé Guibert à propos de son livre L'image fantôme dans Démarche de Gérard-Julien Salvi en 1981. Et enfin, entretien avec Patrice Chéreau par Moussa Abadi en 1970. Jean-Claude Galota, votre nuit rêvée se poursuit sur France Culture.